I set down these notes on paper. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. And more. Vendredi à tous et bienvenue à une autre édition de Subversion, celle du 3 juin 2016. Je suis avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio pour cette émission. Je suis Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death, qui va vous présenter encore de la musique subversive et quelques nouveautés, dont celle de Aggression, qui ont libéré une pièce pour ce nouvel album à venir en octobre, Fragmented Spirit Devil. On aura aussi des nouveautés de Discharge et aussi de... Je m'en rappelle plus. Et puis... plein d'autres choses finalement. Et on va aussi parler de cette réédition de ce démo Toxic Planet de Genetic Error. Donc, plein d'autres affaires comme ça. Et ça risque d'être une émission assez hardcore. Fait que... Hey, Méo. Méo. Hey, passe-moi le rack 3 de Rachmaninoff, là. Juste pour relaxer un peu, là. Ok, t'es cool. Ah. J'en avais besoin. Merci. On va pouvoir prendre une gorgée de café. Merci, Méo. Merci. Méo, mesdames et messieurs. Ah oui, je sais, c'est oui. On va aller faire jouer la toune de Voivode. Alors oui, comme l'a dit si bien Méo... à la technique cette semaine, puisque bon, je sentais que ça, je sentais ça venir, là, que ça allait être assez complexe cette semaine. Alors, j'ai décidé d'inviter Méo à la technique. Alors, pourquoi pas, hein? Tout est permis, vous savez, Underground Québec, et surtout à Subversion. Alors, pourquoi pas, justement, pour présenter ce prochain bloc de trois pièces, on va laisser Bob s'exprimer cette fois, à savoir ce qui s'en vient. Il y a un week-end heavy metal qui attend les jeunes Montréalais friands de décibels. Demain et dimanche, au Spectrum, le groupe Voivode, bien connu des punks américains et européens. Ce groupe, en fait, est assez particulier puisqu'il est composé de quatre jeunes gens de Jonquière. Merci, Bob. Et de ce quatuor de quatre de jeunes gens particuliers, c'était l'anniversaire de Michel, hein, lundi dernier, Away, qui fêtait ses 53 ans, alors que le groupe était de passage à Phoenix, en Arizona, durant cette tournée toujours en cours sur la côte ouest américaine pour le groupe. Alors... c'est un peu pour ça que j'ai choisi cette pièce, la pièce de Voivode qu'on va entendre, ainsi que un bon souvenir du métal québécois aussi, Linkmar, dans ce bloc. Et pour commencer, de Athènes, Sacral Rage, un groupe que j'ai entendu récemment sur la radio Fenris. Je me suis dit, il faut que je fasse jouer ça, c'est très bon. Alors on écoute tout de suite de leur album On Top of Evil. Voici Anne-Sima Delmal de Sacral Rage. La subversion sur le Grand Québec Radio. Oh, no!

Pas beaucoup de gens dans le monde qui ont déjà vu Satan, s'il y en a déjà eu d'ailleurs. Donc, c'est un moment donné, après 3-4 compositions, ça tourne autour du même sujet, il n'y a pas grand-chose à dire. On a notre propre culture, tu sais. On vient de Jonquière, mais c'est ça qui donne peut-être notre côté sauvage un peu, t'sais. Mais t'sais, on est né avec la TV pareil, tu sais. Oui, monsieur. Snake, la voix d'une génération. Oui, on a entendu Snake et Peggy, évidemment, dans ses mots de sagesse. C'est l'époque de Killing Technology. En fait, on a entendu une pièce bonus de cet album, Too Scared to Scream, de 1987. Album qui a été enregistré analogue et mixé digital au Music Lab de West Berlin. Berlin-Ouest. Évidemment, Voivode sont en tournée pour 27 concerts sur la côte ouest américaine et canadienne. Ce soir, ils se produisent au Underground quelque chose là, de Santa Ana, en Californie. Hier, ils étaient au Whiskey à Gogo d'Hollywood. Et ensuite, demain, ce sera Fresno, San Jose, San Francisco, etc. Donc, tout ça en Californie. Et comme je mentionnais en début d'émission, lors de leur passage au Rebel Lounge de Phoenix, Michel, oui, fêtait son 53e anniversaire, comme le voulait la tradition, le gâteau est arrivé sur la scène. Et était présent aussi leur fidèle ingénieur de son de longue date et ami Mike Amstad, qui descend comme ça de Lima au Pérou à chaque fois que le groupe part en tournée. Alors c'est vraiment cool pour eux. Donc avant ça, on avait eu un bon souvenir de Lankmar, ce groupe de Montréal, qui en était à leur deuxième démo à ce moment-là, considéré comme un EP qui est sorti seulement sur cassette, la fameuse cassette jaune Prejudiced, pour ceux qui se rappellent. On a entendu la pièce Illusion World, c'est de 1989, et ça mettait en vedette évidemment ce bassiste talentueux Martin Bédard qui nous a quittés à l'entour de 1997, je pense. Et évidemment, je peux associer comme souvenir à Lankmar cette visite au Ritz de Val-d'Or en mai 93, alors que Mike Cope, le guitariste, les avait rejoints. Mike, qu'on a vu avec The Affected plus récemment, évidemment. Alors, je peux vous dire que Mike, avec Stéphane Charpentier comme tandem de guitaristes, c'était très efficace. Alors, de mon souvenir du Ritz de Val-d'Or avec Lankmar aussi. Et notez que Luc Daou, le batteur sur cette cassette, a aussi joué sur le premier Heaven's Cry en 1996. Et début de bloc, on avait ce groupe de Athens Sacral Rage, de leur premier album paru en 2015, On Top of Evil. Et la pièce Encima del Mal, qui veut dire en espagnol justement On Top of Evil. Oui. Et ils ont aussi paru, ce groupe a paru aussi sur un tribute to 1984 avec la pièce Merciful Fate, Don't Break the Oath, qu'ils avaient repris. Et le drummer Vangelis a joué dans une vingtaine de bandes, probablement tous grecs, dont Pile of Excrements, qui ont enregistré un démo en 2016 que je vais passer la semaine prochaine sûrement. En tout cas, il a paru sur ce démo sous le nom de Shit Eater. Alors, on entendra Mange une marde dans ce fameux groupe la semaine prochaine. Alors, Encima del Mal, c'est Sacred Rage, c'est quand même assez bon. Hein? Oui, c'était bon. Oui. Je parle pas mal. On va manquer de temps. Alors, on va y aller tout de suite avec ce deuxième bloc. Ça va être de plus en plus hardcore. Hein? On va entendre Discharge, une nouveauté de Discharge. On va aussi... ça va être dans l'autre bloc d'après. Ouais. Non, on va entendre un bloc de deux pièces. Genetic Error de Trois-Rivières qui lançait la semaine dernière en vinyle, édition limitée de 500. Ce démo 88 Toxic Planet. On va entendre une pièce de ce démo. Et tout d'abord, une nouvelle pièce de Aggression, qui sont basées à Vancouver présentement. On va entendre une nouvelle pièce de cet album à venir en octobre, Fragmented Spirit Devil. Et moi, je remercie Denis, Sasquatch et voyons, j'ai un blanc, Brian, de m'avoir envoyé cette pièce Unleashing the Ghost qu'on va entendre à l'instant. Et puis, ouais, c'est un retour à Aggression un peu plus brutal et vraiment, on reconnaît la signature de composition de Denis dans cette de Sasquatch dans cette pièce. Alors, voici Aggression à Subversion sur Underground Québec Radio. Don't you? say you're an exceptional country when you go online and see all these people say Michelle Obama is an ape, her children look like stand-ins for Planet of the Apes. If that's exceptional, that's regressive. That is what Trump is. Donald Trump is a superior great leader. America fascist again while Trump rocks out with a flying V to the sound of what? Neil Young before Neil Young ejects? On vient d'entendre Genetic Error avec No Future, pièce tirée de ce démo 88 Toxic Planet qui a été réédité le 27 mai dernier sur tir groupé en vinyle, édition 500 copies. Une édition de 6 pièces, les 6 pièces du démo plus 3 pièces en bonus en download du démo In Search of Power. Qui est inclus dans une carte avec le vinyle, que je me suis procuré d'ailleurs chez ce disquaire, le Planète Claire sur Saint-Denis. Un lancement qui a eu lieu le samedi dernier, le 28 mai, au bar Le Tipetac sur la rue Royale à Trois-Rivières. Et Jeff Hull de Trois-Rivières Metal nous a fait part d'une superbe soirée, où ça a été une grosse soirée old school, nostalgique. Old school nostalgie avec plein de vieux chums. Et le band, évidemment, comprenait toujours deux des membres originaux qui ont joué sur cette démo à l'époque, dont André Lachance, bassiste vocaliste, et Mario Prudhomme, guitariste. Il était accompagné évidemment de Stéphane Patry à la batterie, qui avait joué sur l'album Superficial plus tard. Et le deuxième guitariste, Alain Deslauriers, ex-Chronicle Disturbance, dont en fait partie notre ami Alain Lefebvre de C'est Fou. J'ai entendu justement André Lachance en entrevue à Rock Classic, l'émission de vendredi passé. Et puis, c'est quand même intéressant d'entendre mentionner, entre autres, que c'était plus du tout la même chose, pour la même réalité au niveau énergétique, si on veut, pour les pratiques, hein, c'est pas la même réalité qu'à l'époque, il y a 25 ans, 25-30 ans, où il pouvait pratiquer 4, 5, 6 heures par soir. Là, c'est comme... Là, après le travail et les obligations, et 25 ans plus tard au compteur, c'est plus tout à fait la même chose. Néanmoins, ils réussissent à rocker quand même. J'ai été témoin de ça au Trois-Rivières Metal Fest, alors qu'ils étaient présents à ce moment-là. Puis, justement, pour ceux qui les auraient manqués, c'est une soirée, évidemment, qu'on n'aurait pas dû manquer, mais c'est pour ceux qui sont dans le coin de Montréal, Québec, les 10 et 11 juin, ils seront aux Foufounes électriques le 10 et au Cercle à Québec le 11, alors vous pouvez toujours vous rattraper pour les voir, et peut-être vous procurer le vinyle également. Ça, c'est chose qu'il faut faire rapidement, puisque il semble-t-il que l'intérêt est quand même assez prononcé, et j'ai même entendu murmurer que ça se pourrait qu'il y ait 500 autres copies, mais là, fiez-vous pas là-dessus, allez vous chercher ça. Et c'est cool qu'il ait fait ça, qu'il ait réédité ça, ce Toxic Planet qui se réécoute bien. Avant ça, on avait eu Aggression, nouvelle pièce de cet album à venir en octobre, qui s'intitule Fragmented Spirit Devils. La pièce était Unleashing the Ghost, une des 10 pièces de cet album, qui comprendra aussi un cover de semble-t-il, de Nazareth, Razamanaz, que je me rappelle que Artillery aussi du Danemark avait repris. Quand même assez bien. J'ai bien hâte d'entendre sa version, leur version Aggression. Je sais que Denis Bart, Sasquatch, lui, a bien aimé. C'est un friand de cette période du classic rock des années 70. Donc, ça promet. Alors, c'est ça, ils vont sortir cet album-là entre deux tournées. La première sur la côte ouest américaine et l'autre, s'envoleront pour l'Europe, tout comme nous l'avait mentionné Denis justement dans une entrevue, je pense que c'était en janvier dernier, ou avant les fêtes, je me rappelle plus, mais bref, dans un épisode antérieur de Subversion. Il est 7h09 sur Underground Québec Radio, et je suis tellement mélangé dans mes notes là, qu'on s'en va en pause publicitaire, voilà. Qu'est-elle présente pour la première fois, spécialement pour les amateurs de collection, la grande vedette québécoise, Chantal Paris, l'album de ma vie. Ma vie, c'est toi. Ses 20 plus grands succès. Vivre ensemble, il faut savoir aimer. 20 merveilleux souvenirs. On t'appellera Emmanuella. Son plus récent succès. La très belle chanson. On a besoin de soleil comme d'amour et de sans soleil, oublier la mélodie d'amour. Chantal Paris, l'album de ma vie. Je vous fais cadeau des 20 plus grands succès de ma carrière et des 24 photos qui m'appellent les plus beaux souvenirs. Vous décomposez 56314 ou écrivez à Chantal Paris, casse postale 6000 Hollande, incluant 6,99$ pour le micro-sillon ou 6,99$ pour la cartouche 8 pistes. On a besoin de soleil comme d'amour et de pain. Elle va-tu me faire à croire qu'elle a eu 20 succès, Chantal Paris? Non, mais tu sais, je suis pas assez vieux pour me rappeler de tout ça. Je sais pas, mais ça rentre vraiment sur une cassette 8 tracks, tout ça? C'est quoi? C'est une merveille de la technologie, cette affaire-là? C'est pas possible. En tout cas, nous autres, on a de quoi s'occuper. On a d'autres musiques à s'occuper. Là, on va entendre, on va rester dans le hardcore un peu. Hein. On va entendre Jello Biafra dans deux contextes différents avec Napalm Death live à San Francisco tout dernièrement. Et aussi avec les Melvins, où ils font un classique de Dead Kennedys. Mais avant, Discharge, Oui, c'est vétérans britanniques du D-Beat qui nous reviennent en 2016 avec un nouvel album. Si mes notes veulent collaborer. Testing 1, 2, mes notes. OK, bon. Ouais. C'est parce que ça se promène tout seul dans l'écran. Là. Je cours après mes notes dans l'écran. Ça va pas bien quand on n'a pas imprimé ses feuilles. Bon. Oui, l'album s'appelle End of Days. Et ça va être disponible aussi en vinyle orange, hein, pour les orangistes qui nous écouteraient. Bon, oui, c'est disponible depuis le 29 avril déjà. Et donc, on va écouter à l'instant une pièce qui s'intitule... Ah, c'est pas possible, ça veut pas collaborer. Pas possible. New World Order, à Subversion. No! close your eyes, can't happen here. Bush and Cheney are already here. Said the right won't come back, you say. That if Fox News has their way, can I drop your titties today? California, Uberalis, California. It's not Trump as much as Trumpism and making racism cool again that's the problem. Right when Black Lives Matter, this super rich egomaniac says that brown lives don't matter. I'm sorry. Nazi Trump's fuck off! On a entendu à l'instant le légendaire Jello Biafra de Dead Kennedys accompagné de Napalm Death lors d'un concert aux Slims de San Francisco le 6 mai dernier. Dans une relecture d'un classique justement de Dead Kennedys, rebaptisé Nazi Trump, Fuck Off. ni plus ni moins. Une version très violente avec le groupe de Birmingham. Avant ça, on avait eu également avec Chilo Biafra, mais cette fois-ci avec les Melvins, California Aberales 21st Century. Ça, c'est lors d'un concert aussi en 2005. Pièce qu'on peut retrouver sur l'album Zig Howdy en collaboration avec les Melvins. Et c'est un hasard que j'ai programmé cette pièce parce que je ne savais pas à ce moment-là que Genetic Error avait fait cette pièce aussi lors de leur lancement samedi dernier à Trois-Rivières. Donc, ça a l'air que c'était écrit dans les étoiles que ça allait jouer aujourd'hui. Donc, California Aberales 21st Century, en l'honneur d'Arnold Schwarzenegger aussi. Jello qui semble réadapter ses classiques à l'actualité d'aujourd'hui. D'ailleurs, parlant de Jello, vous pouvez non, c'est vrai, je voulais juste dire qu'en début de bloc, c'est vrai, on avait eu Discharge aussi avec New World Order, une pièce de ce nouvel album qui est paru le 29 avril dernier. Oui, c'est ça, je parlais de Jello. Parlant d'actualité aussi, c'est qu'on peut le voir sur YouTube, il y a des épisodes qui s'intitulent What Will Jello Do? Pour différents sujets que. Que probablement que les utilisateurs de son. Ceux qui sont abonnés justement à cette diffusion, si on peut dire, leur soumet comme question ou comme. Topic ou commentaire. Écoutez, il s'est exprimé récemment sur un livre à colorier Donald Trump qui a trouvé. Il pensait que c'était une joke et finalement non, c'est vrai, ça existe pour de vrai. C'était en kiosque. Je vous laisse Jello en parler pendant une minute ou deux, puis on revient. You know that they were supporting Trump because he was a rebel and leaving it at that. I mean, rebelling against what besides lack of attention for himself? I don't know, but we have today. I learned conservatives aren't allowed to listen to music they like. That is what Trump is. Donald Trump is a serious racist. And what? Meanwhile, what do I find? But right by the cash register at the San Francisco airport, right before Christmas, a Donald Trump coloring book. Right by the register, so little kids aren't going to see it, but the adults may want to impulse buy it. I'm going, I can't, I can't, I can't. But then I figured it was like somebody trying to make goofy mainstream Disney fun of Donald Trump. Well, no. Well, there he is in a Superman suit, followed by Pledge Allegiance to the Flag. Presumably he's president by now. Followed by Cat That Ate the Canary in the Oval Office. I'm making me great again. Whatever. And let's see what else do. Oh, there he is on Mount Rushmore, presumably in place where some people have tried to put Reagan over the years, saying, oh yeah, that forest on top can be his hair. Right. And right then followed by USS Trump, a battleship, firing at who? North Korea? Or maybe Putin, or maybe firing at Syria and missing and accidentally hitting Israel or our own soldiers instead. But there he is playing chess with Putin. He'll show him. I mean, my vision of if Trump actually does become president, there he and Putin are riding bare-chested on horses somewhere in the Russian steppe, and the wind blows Trump's comb over to one side, and finally the Samson thing takes effect, and Trump is toast from that point onward. Ah, but then once he's done with the battleship, here he is about to drop a nuclear bomb somewhere in the Enola Gay, and then finding time on the very next page to crown another Miss USA while probably banging 10 other contestants behind his wife's back. And then now the plane, of course, is called Trump Force One. Let's make America fascist again while Trump rocks out with a flying V to the sound of what? Neil Young before Neil Young objects, or Aerosmith before they object, or who knows? Ha ha ha ha ha ha. Jello Biafra, mesdames et messieurs. Ah, quel personnage. Donc, il reste pas grand temps à l'émission. On va défoncer pour ceux qui nous écoutent sur SoundCloud. Pour les autres, eh bien, empressez-vous d'aller voir ce concert Venom Inc. avec Necrophagia. Ça se passe au Piranha. Ouais, c'est ça. Il reste le temps de... Bon, on va faire jouer deux autres pièces, en fait. On va y aller un petit peu plus vers le métal progressif extrême. Métal progressif qu'on néglige, d'ailleurs, à Subversion depuis un bon moment. On va remédier à ça, à un moment donné, dans pas long. Il y a bien des bandes que j'ai en tête que je veux passer. Bref, on va y aller avec les Anglais de Xerath. Mais d'abord, un groupe de Augusta dans le Maine qui s'appelle Last Chance to Reason. Un groupe que j'avais découvert dans les actualités diffusées à l'émission Rock Classique par Alain Lefebvre à un moment donné. On va entendre une pièce du troisième album qui s'intitule Level 3. Ça, c'est sorti en 2013. La pièce qu'on écoute à l'instant... Adrift One, A Vision Begins. Destructions, the image of me. Lying still, anywhere. subversion sur Underground Québec Radio. Vous êtes à l'émission Un Classique en compagnie de ce malade mental qu'est le Dr. Pendragon. Ça peut m'arriver d'avoir certains écarts de conduite et comportements étranges. Ça ne fait pas de moi un malade mental. Ben écoute, t'es arrêté le père et j'ai mal, là, quand même. Hey, franchement, je suis en train de te lire en plus, puis t'es captivé autant que moi. c'était nul autre que Xerath, ce groupe anglais avec la pièce 2053, pièce futuriste qui figure sur leur troisième album Xerath 3. Ça c'est sorti en septembre 2014 sur Candlelight par ce groupe de Basingstoke dans le sud-est de l'Angleterre. C'est un groupe qui font un peu dans quelque chose entre Meshuggah, Strapping Young Lad avec tout le côté cinématique. J'aime beaucoup qu'est-ce qu'ils font, et surtout côté sonore, c'est incroyable. D'ailleurs, on attend toujours la suite de ça, hein. Ça fait quand même depuis 2013. J'aime bien ce qu'ils font, Xerath, espérant pour le futur. J'ai pas de update à leur propos. Avant ça, on a vu Last Chance to Reason, avec une pièce de leur troisième album aussi, de 2013. J'avais dit 2013 pour Xerath aussi, c'est 2014, c'est vrai. Mais pour Last Chance of Reason, 2013, c'est un album qui est sorti sur Prosthetic Records, ce Level 3. Et j'ai un peu de retard ici. Je suis lent parce que faut que j'apprenne à contrôler mes notes sur un pad. Ouais, et puis ouais, la pièce était Adrift 1, A Vision Begins, par ce groupe du Maine. Fort intéressant. C'est tout pour nous hein, cette semaine. Je voulais dire que la semaine prochaine, c'est confirmé. On va avoir en exclusivité une entrevue in the studio avec nul autre que Augury, un des meilleurs groupes du Québec ever. On aura le privilège de s'introduire dans le studio comme ça pendant le processus d'enregistrement de ce nouvel album à venir. Par Augury, puis donc on se promet une émission fort intéressante la semaine prochaine, et d'autres stocks que je n'avais pas pu passer comme Artificial Brain, Spite et bien d'autres. Alors ce n'est que partie remise pour ça. À noter aussi qu'il reste, il va rester 3 émissions avant les vacances. On fera relâche pour 2 semaines à ce moment-là, pour la Saint-Jean, la fête du Canada, et on reviendra plus tard en juillet pour d'autres musiques subversives et vivsives, évidemment. c'est ça. Je voulais dire aussi, c'est vrai, je voulais parler de hurlemort.com, notre chroniqueur Guillaume Gagnon, qui est toujours aussi actif. Il avait laissé comme note que les chroniques de Hurlemort seront de retour. Ils sont déjà de retour, c'est vrai. Mes notes sont en retard. c'est parce qu'il prend des petits breaks comme ça durant la semaine. C'est juste pour dire que en attendant la prochaine chronique, il vous invite à lire les 412 articles déjà présents sur le site, albums, séries et films pour tous les goûts, et à noter que les artistes peuvent être cherchés par nom pour cibler vos groupes préférés. Donc, c'est toujours fort intéressant et up-to-date, le site de Hurlemort. Alors, c'est ça, Spread the Word pour Subversion, pour plus de musique subversive, Spread the Word sur Facebook, SoundCloud et compagnie, et de retour bientôt pour plus de personnages, de discours de personnages autant hirsutes, vindicatifs et crapuleux que Donald Trump, que Jello Biafra et le Dr. Pendragon. À la prochaine. Oh,